dash.com. C'est déjà tout pour cette édition de CNX.zip. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les liens mentionnés et les balados diffusion sur assemblagerequis.com. Je remercie François-Olivier Marchand pour sa participation aux chroniques CNX. Et n'oubliez pas que toutes ces chroniques sont originellement diffusées à Assemblage Requis du lundi au jeudi de 7h à 9h sur les ondes de C'est Fou. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de CNX.zip. Bonne journée! Dash.com.